Directement des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, c'est les Palmarès C'est Fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, et comme à chaque semaine, deux heures de la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir. C'est un condensé de succès. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça les Palmarès C'est Fou. On a quelques nouvelles entrées cette semaine. The Answer du côté anglophone, Geneviève et Mathieu et Major Billet du côté francophone. On a aussi Steve Hill. Mais avant, voici la 15e position francophone. C'est les Dorothées et les Putes de Paris au Palmarès C'est Fou. Au 89, on parfois on a besoin de compagnie. Et les nanas chouettes sont à Paris, c'est pas vrai ça, maman? Oh oui, c'est vrai, Jaco. Je me souviens, en 1947, j'avais 20 ans, j'étais un jeune gaillard. Sur le Luxembourg aussi, il pleut des putes. Sur la banquette arrière du Thierry Ardisson, il pleut des putes. Sur le cercueil de Joe Dassin, mais la prostituée me dit: je prends pas les francs. Et moi je lui réponds: tu les prenais avant. Et le proxénète me dit: ça a changé maintenant. De Molière, il pleut des putes. Sur le bureau de sa Hill avec la 15e position anglophone. C'est une nouvelle entrée, NASA Made. Juste avant, c'était du côté francophone, les Dorothées avec les putes de Paris. Deux nouvelles entrées, deux 15e positions. Ça commence très bien l'émission, ça rock. On est rendu à nos 14e positions du côté anglophone. Voici The Answer, Into the Gutter. Mais avant, Geneviève et Mathieu, ne pleure pas. Au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Je ferai tout ce dont j'ai rêvé, je me dirai tu es vraiment pendant que tu joues de mes sentiments. Je ne sais pas pourquoi, je souris tout à coup, je pleure. On m'a peut-être fait quelque chose, c'est drôle, je ne m'en souviens pas. Secouer mes mains si dièses. Ne pleure pas, amour et forêt. Sous les vents, mélodie, ta mélodie. Je sais, je n'en veux pas de ce sentiment-là. Je sais, je ne ris pas souvent. Je vois des pipeaux blancs. Légendaire, j'aurais tant aimé qu'elle existe toujours en dehors de moi. C'est quand je la touche qu'elle apparaît, la mélodie grégaire. tu m'oublies au coin d'une rue, que tu t'enfuis, que je devienne. Les saisons passent, le monde se tasse, le peu qui excite t'attire l'immochant de vieux pain qu'on fait tuer. Une tranche de vie, le boisier, que tu gardes en dedans et que tu sens pas, que tu gardes en dedans et que tu sens pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent, qui oublient d'endormir ton cœur, qui oublient d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Retour à l'hôpital, on va t'en Major Bidet et les Mouches, nouvelle entrée en 13e position francophone. Juste avant, on a sauté par-dessus de Polyphonic Spree et Running Away en 13e anglophone, qui, elle, descendait de 3 places. On a aussi entendu les 14e positions, The Answer avec Into the Gutter en 14e anglophone. Et du côté francophone, Geneviève et Mathieu avec Ne pleure pas, leur album Rouge-Gorge. On continue déjà avec nos 12e positions, des femmes assez fous, mais avant de faire ça, regardons un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de la feuille des palmarès. En fait, c'est plus deux feuilles indépendantes, mais quand même. Il y a aussi le top 10 Loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums, si on oublie le top 15 francophone et anglophone, parce que c'est pas juste ça, les palmarès, c'est fou, d'accord? Du côté du top 10 Loud, nouvelles entrées en 10e position pour 3 avec The End Is Begun, et en 9e, c'est Nightwish avec Dark Passion Play. Ensuite, en 3e position, c'est stable pour Talamis avec In These Days of Violence. En 2e, c'est aussi stable As I Lay Dying avec An Ocean Between Us. Et en 1e, c'est tout aussi stable, 7e semaine de présence pour Corpiclani avec Tervascanto. Je l'ai presque eu, Tervascanto de Corpiclani. Voilà. Et le top 3 des disques canadiens, en 3e, c'est stable pour Hot Little Rocket avec How to Lose Everything. En 2e, c'est stable pour Girl Nobody avec Balaclava Casino Heist. Et en 1e, c'est stable pour une 2e semaine de présence, The New Pornographers avec Challengers. Tous des groupes canadiens là-dedans. On retourne à nos palmarès top 15 francophones et top 15 anglophones. Je voici la 12e position anglophone. C'est Hot Little Rocket avec Like Hitters, précédé de El Motor. Voici Alinéa au palmarès C'est fou au 89.1 FM, votre radio qu'on peut à Trois-Rivières. Hein? C'est vrai. Autant vous dire n'importe quoi que dire ce que vous savez déjà. Au retour, les yayayas et n'avaient confié au palmarès, c'est fou. Vous écoutez les palmarès, c'est fou et voici les positions numéro 11. On commence par n'avaient confié et aspirine au 89.fr. Je m'imagine une scène de film où tout est habillé. Une lumière fine, presque invisible. We'll be right back. Yeah, yeah, yes! Avec Rockers to Swallow, 11e position anglophone, remontée de 4 places, 2e semaine de présence, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Juste avant, c'était Neve Confi avec Aspirine qui remonte de 3 places. Avant ça, c'était Hot Little Rocket avec Like Killers qui descend de la 7e à la 12e. Et du côté francophone, c'était El Motor avec Alinea qui remonte de 3 places. Donc, c'était vos 11e et 12e positions pour cette semaine. On est déjà rendu au 10e, mais avant de passer par là, allons voir le reste de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour ceux qui n'auraient pas encore compris, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone, c'est aussi le top 10 loud qu'on a fait tantôt, le top 3 des disques canadiens qu'on a aussi fait tantôt. Maintenant, on est rendu au top 30 des albums. Nouvelle entrée en 30e position, Day Day, Month Month, Year Year Year, avec la formation Are They Masks. Je sais pas exactement comment on doit le prononcer, Day slash Month slash Year. Ensuite, en 18e position, on retrouve Stars avec In Our Bedroom After the War, qui était aussi le coureur de la semaine de l'émission La Chance au coureur, que j'anime les vendredis matin à 10h. En 15e position, nouvelle entrée pour Steve Hill avec Devil at My Heels, qu'on a entendu tantôt dans notre vrai palmarès en position numéro 15. Ensuite, on monte au top 3. Troisième position, c'est stable pour Figurines avec When the Deer Were Blue. En deuxième, c'est stable aussi pour New Pornographers avec Challengers. Et en première position, c'est OK Curvel River, toujours stable, 5e semaine avec l'album The Stage Names. Voilà pour le top 30 des albums en général ici à C'est Fou 89.1 FM, votre radio campus à Trois-Rivières qui célèbre ses 10 ans. Et d'ailleurs, parlant de 10e anniversaire, ceux qui ne savent pas encore, on cherche un slogan pour la radio C'est Fou, donc... Tout ce que vous avez à faire, c'est nous envoyer vos idées par courriel. Vous avez droit à 3 entrées. Vous devez être un étudiant de l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'adresse, c'est webcfou@uqtr.ca. Webcfou, webcfou@uqtr.ca. Vous avez un iPod Nano à gagner, donc ça vaut la peine de participer. C'est jusqu'au 28 septembre, mais en fait, c'était jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez le temps encore. On accepte les entrées jusqu'à lundi ou mardi de cette semaine pour les gens qui écoutent le vendredi. Si vous écoutez la reprise, ben essayez-vous quand même, on sait jamais. Donc, c'est le web, c'est fou, avec iPod Nano à gagner. Trouver un slogan pour la radio, pour les 10 ans, pour la radio en général. On cherche de tout et de rien. Et on va vous donner un iPod si c'est vous qui avez la meilleure suggestion. On a un comité là-dessus là, qui planche à temps plein. C'est vraiment payé pour ça, c'est pas bon. D'accord, donc... Tout ça pour dire que c'est le 10e anniversaire de C'est Fou et on parlera de d'autres choses ayant rapport avec le 10e anniversaire plus tard. Pour l'instant, voici nos 10e positions. Enfin, on saute par-dessus Terry Lee Combs avec Jack in the Box. Voici tout de suite le côté anglophone, c'est Galactic et What You Need. Remontée de 4 places, vous écoutez les palmarès C'est Fou au 89.1 FM. You got to stop out of the corner, man. You know I got what you need, man. You hit the jackpot, man, you in the end zone. How much you wanna spend, baby, so it depends on banjo strings and sando strings, hamstrings, canto strings and couplets. Got bangos, gangos and Cadillac handles. Come back next week, I'll teach y'all to tango. No hassle, man, no haggle, come on. Ain't nothing too shameful, this is my corner, baby. Ain't no prize payable, ain't no exchange, though. But I will take you down those pennies, pounds and pesos. You want it, baby? And old lighters, I got clothes, dries, all riders and coat hangers. I got needle nose blinds, front row to the glow trotters. You buy some one liners, I'm throwing some yo mamas. Oh, low credit, no credit, no pride. You'll be riding the style in a Honda low rider, but no time. No radio, but no ties. It's just exposed wide for the ride so quiet. Yeah, no violence. I told y'all before, man, you break it, you buy. Come on, make me an offer, baby, buy me out. All here on the corner, right here, right now. So what you need? What you need? You want it, baby? Okay, well, what we'll do is we'll just shrink down the large, you know what I mean? It'll be all good, no to this book called Memoirs of a Hornblower. On your favorite Insta song, paperback. Hell no, you can't take it back. You said Betamax. Come on now, people, I gotta pay the rent. Paperclips, shaving kids, razorettes, laser pants, bayonets, cigarettes, raiderettes, and vinaigrette. I got some cable nets made by kids in Bangladesh. Letters, numbers, color shit, you can buy a bound. All on the corner, right here, right now. I take on calls, chase calls, green calls, the race calls, and any legal tender with a white man in the center. You want it, baby? Yeah. But if you look down, I will float away. Feeling emeralds, they go in my tummy. Forever a lucky day. Avec Head Rush en 9e position anglophone, c'est stable. Juste avant, c'était du côté francophone, Tricot Machine, avec Beau Temps, Mauvais Temps. Hein? Beau Temps, Mauvais Temps, Tricot Machine, c'est tellement bon, leur album est éponyme et ça joue depuis des mois, ça, c'est fou. Mais c'est une nouveauté pour d'autres radios. C'est comme ça. On est rendu à nos 7e position, mais avant de faire ça, voyons ce qui va se passer un petit peu plus tard dans l'émission. On va parler entre autres des CD les plus vendus au Canada, hein, pourquoi pas. Et on va brancher encore un petit peu plus d'informations là, dans vos cerveaux hein, par rapport au 10e anniversaire de C'est Fou, parce qu'il y a un gros événement qui s'en vient. Hein. Ça va être big. Hein? C'est pas mal ça. On en parlera plus tard, mais pour l'instant, voici du côté anglophone. On va écouter Parlor Steps avec Only Mystery, mais avant, voici We Are Wolves avec Magique. Parce que si c'est magique, c'est que c'est des magiciens. Hein? C'est magique. Spilling people all over the sidewalk. Steps avec Only Mystery. En 8e position anglophone, remontée de 3 places. Extrêmement longue fin. C'est leur album Ambiguous. Juste avant, c'était du côté francophone. Oh, on vient d'entendre un cri de loup. Et bien, juste avant, c'était We Are Wolves. Nous sommes loups avec Magic de leur album Total Magic, 8e position francophone qui remonte d'une place. Maintenant, on est rendu à nos 7e. Mais avant de passer au 7e, je crois qu'on a un petit peu de temps pour regarder ce qui s'est vendu, en fait, le plus au Canada pour la semaine qui se termine le 27 septembre 2007. On va faire seulement le top 20 parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles entrées. En 19e position, Chamillionaire avec Ultimate Victory. En 15e, Paul Potts avec One Chance. En 13e, Knopfler Mark. Mark Knopfler, oui. Avec Kill to Get Crimson. En 11e, Eddie Vedder avec Music from the Motion Picture, ou For the Motion Picture. En 10e, c'est Katie Tunstall avec Drastic Fantastic. En 6e, Diana Krall avec Very Best of Diana Krall. En 5e, Reba McEntire avec Reba Duets. En 3e, Cain avec Les Saisons Stars. En 2e position, l'ancienne première, c'est Kanye West avec Graduation. Et en première, c'est James Blunt avec All the Lost Souls. C'est selon Nielsen. Voilà. Du côté de iTunes, les pièces les plus téléchargées sur Apple iTunes. En 5e position, on retrouve Nickelback avec Rockstar. En 4e, Colby Kaya avec Bubbly. En 3e, Matchbox 20 avec How Far We've Come. En 2e, c'est 1-2-3-4 de Feist. Et en première, c'est Crank That de Soulja Boy. Tell 'em, voici The Brick et la pilule au Paradise. Ces petits bobos, j'oublie ma petite sœur qui a mal au dos. Un problème, une pilule, le bonheur serait pas. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. Prends-moi mon amour, j'ai envie de toi. Allez hop, la pilule, bon pour plusieurs fois. Grâce à toi, ma capsule, c'est toujours le temps. Un problème, une pilule, le bonheur se répand. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. Toujours dernier, j'suis un peu turbulent, surtout pas concentré. Ritalin, on m'a dit que ça calme les tonneurs. Un problème, une pilule, le bonheur se répand. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. C'est bizarre à l'école, les filles me regardent pas. J'suis trop maigre et bien sûr les boutons s'aident pas. Les stéroïdes, il paraît que ça aide à se développer. 25 livres en 3 mois, ça pourrait bien m'aider. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. Plus besoin de faire attention. Chaque problème, chaque pilule, chaque situation. Dans un monde de réussite, se geler la face, ça va bien plus vite. Au retour de Details et les positions numéro 6, Olinéa et Girl Nobody au Palmarès, c'est fou. Bon retour, c'est la deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2007. On est rendu déjà à nos positions numéro 7. Mais avant, résumons un petit peu ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. On va essayer de faire ça vite parce que c'est beaucoup de choses en même temps. De la 15e à la 7e francophone, les Dorothées avec les putes de Paris, Geneviève et Mathieu avec Ne pleure pas, Major Bidet, les Mouches, Shell Motor et Alinéa, Navet Confit et Aspirine, Terry Combs et Jack in the Box, Tricot Machine et Beau temps, mauvais temps. We Are Wolves et Magic. Et juste avant la pause, on a entendu The Brick avec La Pilule. Du côté anglophone, 15e Steve Hill avec Naza Maid, 14e The Answer Into the Gutter, The Polyphonic Spree avec Running Away, Hot Little Rocket avec Like Hitters, Yeah Yeah Yeahs avec Rockers to Swallow, Galactic avec What You Need, Hot Springs avec Head Rush, Parlor Steps avec Only Mystery. Et maintenant, tout de suite, c'est l'heure de compléter nos 7e position. Voici The Details et Reunion Souvenirs au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Draw a distance, draw a border, it's just another barricade. With these connection rates, it's too easy to separate. And every time I see you, I can lose that. Your accent has changed, and there's nothing in this distance that I feel. Vous écoutez les Palmarès C'est fou au 89.1 FM. Clava Casino Ice, la formation Girl Nobody de leur album du même nom. Juste avant, c'était du côté francophone, Olinéa avec Les Hostilités qui remontent de deux places. C'était vos deux sixièmes positions. Maintenant, tout de suite, voici les cinquièmes. Alexandre Champigny, voici je vais m'hypnotiser. Peut-être qu'on devrait faire ça des fois en studio, c'est le fun de s'hypnotiser un petit peu. Vous écoutez les Palmarès C'est fou, 89.1 FM.

Carpiclani avec Let's Drink, l'ancien numéro 1 anglophone qui est maintenant en quatrième position. Et du côté francophone, juste avant, c'était Johnny 5 avec Comment ça va, Mark Hamilton, qui descend d'une place. Vous allez peut-être trouver que les choses vont vite aujourd'hui, un peu comme moi quand je parle. Hein? Petite affaire. Petite affaire, c'est comme incompréhensible, mais si on y pense un petit peu, la phrase a du sens quand même. Mais oui. C'est ça. Voici Jacques Maure et Brise Glace du côté francophone. C'est l'ancien numéro 1. On a un nouveau numéro 1 francophone, Elisabeth Marino. Oh, mais qu'est-ce? Je sais pas. Oh, d'accord. On verra bien. Retour, Figurines, New Pornographers et Pépé au Palmarès C'est Fou. Vous écoutez les Palmarès C'est Fou! All alone, C'était la formation Figurines avec Childhood Verse en troisième position anglophone, remontée d'une place. Juste avant, c'était Jacques Mare avec Brise Glace, l'ancien numéro 1 francophone. Maintenant, c'est mon grand plaisir, comme à chaque semaine, de recevoir Elisabeth Marino, la rédactrice en chef. C'est pas n'importe quoi, du journal Zone Campus, votre journal à l'UQTR. Oh, t'es donc fin, Mathieu. Salut, Elisabeth. Salut, Mathieu, ça va bien? Bien sûr, et toi? Oui, mis à part un certain virus qui squatte mes narines, ça va plutôt bien. Tu fais avoir l'air de Pierre Bruno par moment? Petite affaire. Mais pas si pire. C'est beau, pareil. Oui, quand même, on se... Donc, Elisabeth est avec nous pour parler du prochain numéro de Zone Campus qui sort le 1er octobre. Oui. N'est-ce pas? Oui, donc dans cette troisième édition automnale du Zone Campus, il y a encore plusieurs rebondissements qui vous attendent dans un format de 24 pages. Donc, en actualité, on fait un retour. Bon, vous saviez, on est en période de campagne électorale du côté de l'AGE. Donc, retour sur les élections de l'AGE avec des résultats partiels toutefois parce que, bon, pour des contraintes, on ne pouvait pas tout publier à date. Mais bon, c'est quand même pas s'éloigner des résultats finaux qui ont été dévoilés le jeudi 27 septembre. Donc, un retour sur les grandes tendances observées en ce qui a trait aux éventuels vainqueurs. Et alors qu'on annonce un taux de participation dans la zone campus qui s'approche du 10 % on sait aujourd'hui que le taux de participation final dévoilé le 27 septembre était de 11,01 %. Ce qui est beaucoup mieux que le 7 % de l'an passé, c'est ça? Oui, c'est ça qui est important de dire parce que surtout, ça a été des élections qui ont été hâtives. Donc, dans ce contexte-là, on a... Ben, c'est, le taux de participation scoré a complètement pété celui d'élections qui ont été longuement préparées là, ouais, ça, en avril dernier. C'est des élections qui n'étaient pas supposées avoir lieu aussi tôt dans l'année. Et ça. Voilà. Bon, c'est supposé être à l'hiver. Mais, généralement, c'est en avril, c'est d'accord. Ça. Oui. Donc, aussi, bon, toujours en actualité, on vient sur cette vague de vol de matériel informatique qui a eu lieu là, en vague là, en début d'automne. Mm-hmm. Aussi, bon, il y a la colonne habituelle de ce cher Guillaume Chalette-Janson qui fait du rapaillage cette semaine. Oui, littéralement, c'est plusieurs nouvelles dans une même et une voilà, colonne. C'est un petit peu en rafale, puis il a décidé d'intituler ça rapaillage. Hey, pour ceux qui, juste en passant, oui. Pour ceux qui aiment les behind the scenes, les bonus sur les DVD, etc., là, on va faire ça au Palmarès, c'est fou. C'est behind the scenes, la photo du portable, c'est celui d'Elisabeth dans une classe. C'est beau, hein? J'aime ça. Juste pour les gens qui aiment ça, des affaires, t'sais, entendre des affaires comme ça à la radio. Pardon? Le portable dans la photo de l'article. Oui, oui, oui. C'est celui d'Elisabeth. Ah, ben oui, oui. Posé okay, dans une classe. Mon Dieu, on c'est... On est allé prendre ça en photo aussi. Les sinus sont bloqués jusqu'au cerveau. Hein? Ben c'est oui. Ça me prend du temps. C'est un fait divers comme ça. Je m'excuse d'ailleurs. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Toujours en actualité, bon, l'édito, c'est sur le Festival de la Poésie parce que vous savez que ça commence le 28 septembre. Donc aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, le vendredi. Le vendredi, t'es bien rendu bonne avec ça, toi. Quand même, c'est pas fait. Puis pour la rediffusion, ben, ça a commencé une couple de jours. Mais voilà. Et voilà. puis le Vox Pop, la question pour cette édition, comptez-vous encourager les équipes sportives des Patriotes? Faudrait bien que vous le fassiez un jour. Un jour, ben oui, même si c'est une fois ou deux, ça sera déjà ça. Au moins participer un petit peu à la vie sur le campus, comme ça, il y a des activités de fun qui s'offrent à vous, puis vous en... Tellement! Des fois, vous oubliez que ça existe. Et on est ouvert, je veux dire, on vous aime, on veut des gens. Oui. Collaboration, toujours. Ils sont pas désespérés, mais... Non, mais c'est ça. Quand non, même. Mais je veux dire, on parle tant des équipes sportives, mais dans toutes sortes de créneaux aussi, là. On a besoin de participation. Aux zones campus, on a besoin de gens aussi. Ah oui, toujours. Moi, hey, bon, je prends une petite log, là, c'est ça. Collaboration, si vous avez la fibre journalistique, si vous êtes juste curieux, vous aimez l'écriture, puis tout ça, bon, on va vous accueillir à bras ouverts. On a besoin de gens, notamment en actualité, là, pour couvrir tout ce qui se passe sur le campus et un petit peu alentour, là, qui touche les étudiants. Donc, bienvenue à vous. On a des chefs de pit qui ont besoin de collaborateurs. Oui, oui, c'est ça. C'est un petit peu ça que je voulais dire, mais notamment en actualité, j'insiste. Justement, on parlait de la section actualité. On était en train de faire le tour de ça pour le numéro du Zone Campus qui sort le 1er octobre. Oui. Oui. Oui, mais oui. Ben voilà, on continue avec Arrêt Spectacle. Je comprends bien. Oui, ben c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui. Donc, alors, Arrêt Spectacle, petit retour sur Antoine Graton qui était de passage à l'embuscade dernièrement. De même, un retour sur le show de Pépé et sa guitare qui avait lieu au Gambrinus le 18 septembre. Puis aussi, dans le cadre du naissant, du jeune, ben du carrément naissant, justement, mais déjà controversé, Off Festival de la Poésie au Charlot. Le journal est sorti avant que la controverse éclate. Hein? Tu parles le son de campus? Le son de campus a été terminé avant la controverse éclate. Oui, tu veux dire avant l'impression, oui, exactement. Ça a sorti genre le lendemain qu'on l'envoie à l'impression, puis ça a comme fait oh! Oh, dommage un peu, mais quand même, on est-tu content pour les gars du Charlot, pareil? Oh, tellement, oui, Moi, je suis content pour eux parce qu'ils doivent être tellement heureux. Moi, j'ai d'ailleurs, je me demande d'ailleurs, est-ce que le Charlot va être assez grand pour accueillir tous ces gens qui vont être intéressés par ça, mais en plus, la controverse, c'est sûr, ça leur a donné une fenêtre là, sur l'événement. J'ai vu dans le Nouvelliste un article avec Alexandre Gauthier, qui est un des propriétaires, tu le vois sourire d'une oreille à l'autre tellement qu'il doit être content de cette controverse. De répartie aussi, là. Il a été d'une répartie à la radio. Enfin, si les gens n'ont pas entendu parler, en gros, on pourrait en parler un petit peu vaguement, là, comme ça, c'est qu'ils organisent au Charlot un off-festival, comme plusieurs autres festivals ont un off-festival. C'est comme du 1er au 6 octobre. Un genre de complément, si on veut, au festival officiel où ils invitent des gens un petit peu plus amateurs qui ont peut-être refusé au vrai festival. Oui, ben juste parenthèse, justement, pour prendre part au véritable festival de la poésie, il faut avoir été édité puis invité. C'est pour ça. Donc le gars qui s'occupe du festival, en tout cas, c'est ça. Ben, on peut pas trop aller dans les détails avec ça, mais quand même, il y a des choses qui se passent. Oui, c'est ça. Justement, dans le cadre de ce off-festival-là, une belle initiative, on a un petit article là-dessus. Là, ça aura lieu le mardi 2 octobre. C'est Partie Intime, c'est un spectacle d'improvisation théâtrale qui est unique dans la mesure où est-ce qu'il délaisse le temps d'une soirée. Thème, focus, limite de temps, arbitrage. C'est un beau projet, puis c'est un projet dans lequel s'investissent plusieurs étudiants du QTR, notamment. Voilà. Donc, ça peut être intéressant, ça, à aller voir. Aussi, on revient sur le 10e anniversaire de La Station C'est Fou. Oui. Fait l'annonce des activités de la 23e édition du Festival de la Poésie du 28 septembre au 7 octobre. Puis on revient aussi sur la fermeture du Maquisard dans un article de Lauriane Lafont. Et puis Sébastien Dulude nous invite, nous initie à la poésie plutôt en proposant quelques choix de lecture actuels du genre avec des extraits. Avec des extraits de poèmes dans l'article. De poèmes, c'est ça. Et voilà. Ça, c'est la section art et spectacle. Et oui, ça clôt la section art et spectacle. On a le temps d'aller entendre le numéro 2 et parler plus tard de sport, si tu en as envie. Ah ben oui, j'ai toujours envie de rester là. C'est ça qu'elle a dit. Du côté anglophone, New Pornographers, mais dis-tu, voici Pépé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas. À part te mettre le pied dans la bouche. Allez, ça. On fait ça des fois. Hein? Yes. Ouais. Things you left your sorrow dangling, it hangs in air. like a school cheer. Bump like notes inside the chords on every wall. Inflections carved deep as lakes and dark as stars. Remember, we were the volunteers. Ooh. Chords knew this and nothing more. Ooh. Now it's my rights versus yours. Chances with the easy call, the call I've searched, the medicine, it still won't work, but there's dangerous levels of it. The chances hell gave me to save me from myself. Spectacles painted with my shaking hand. Fingers in paints we brought. Thinking we'd need them when we're not. Flying the flags of new empires and rights. A new empire and rights. The truth's in one. A new empire in rights. The truth in one free afternoon. A new empire in rights. The truth in one free afternoon. A new empire in rights. The truth in one free afternoon. Under your wheels it fits and starts. The time to dabble in. To tease the packs of dots in charge. But kid, it's always been on me. Under your wheels, the hope of spray. Mirage of loss, a few more things. The medicine, it still won't sing. But there's dangerous levels of it here. Deuxième position des palmarès, c'est fou cette semaine. The New Pornographers avec My Rights vs Yours du côté anglophone qui remonte d'une place et du côté francophone juste avant, c'est Stable. C'est Pépé avec Mais qu'est-ce que tu fais là? Tantôt, on était en plein milieu du bloc Zone Campus. On parle du prochain numéro qui sort le 1er octobre. Oui, donc on t'est rendu aussi en sport. Oui, les sports, ben oui. Donc les sports, pour faire ça court, dans la chronique Histoire de Patriotes, André Martin nous entretient du cheerleading, la nouvelle équipe, dans le fond, qui travaille, dans, je crois, c'est leur deuxième année, là, qui s'efforce, dans le fond, de travailler ensemble pour, en vue du championnat provincial. Ils sont classés, je crois, quatrième cette année, puis ils parlent encore, dans le fond, de reparticiper cette année au championnat. Ils n'ont pas d'équipe à supporter à l'université, mais ils sont encore, pas, ils font ça en tant que sport. Maintenant. Exactement, sport. Discipline, mettons. Voilà, discipline sportive. Aussi un article en natation, comme de quoi l'équipe est en reconstruction. Aussi, bon, une espèce de... Toutes les équipes des Spartiates des Patriotes, mais en rafale, un petit clin d'œil pour chacune des disciplines. Oui. En hockey, à l'aube de la saison régulière qui débute le 12 octobre, notre collaborateur Stéphane Robert fait part de plusieurs changements au sein de l'équipe masculine, cela tant en termes de contenu que de contenant, pour savoir pourquoi on est... Oui. C'est ça. En golf, l'équipe masculine est à 3 rondes de mettre la main sur leur premier championnat provincial universitaire. Et de retour en hockey, c'est le retour sur les premières parties de pré-saison. Et finalement, ce quart masculin, 3 jeux blancs en 4 départs pour l'équipe masculine des Pats. Alors ça, c'est les sports. Et oui. Et ça fait le tour du journal Zone Campus. Pas mal, plus quelques petites brèves un petit peu partout. Un paquet de belles choses. À découvrir. Une caricature aussi, une belle, très très, très belle une colorée. Ah, certainement. Ah. On remercie les caricaturistes Gabriel Raymond et Alex Bois. Et on plug leur émission parce qu'ils sont fins. Écoutez, les betteraves hurlantes. Yes. Les betteraves hurlantes, c'est les jeudis soir à 16h jusqu'à 18h sur CFU 89.1 FM. Le journal Zone Campus est en quillage jusqu'à partir du 1er octobre. Hein? Donc, cherchez-le un petit peu partout à l'université. Oh, c'est pas difficile à trouver. Et à l'extérieur, il y en a plein au centre-ville. Oui. Faut être avec, on n'a pas les voir. Puis même là, on va sortir une version braille un jour. Certainement. Fausse promesse. Promesse en l'air. Voici le numéro 1. On commence par quelque chose que vous allez peut-être écouter sur votre iPod. Ah. Machine et pas de tes affaires de leur album Popus. Parlant de la Baroque Machine, ils vont être en spectacle le 2 octobre lors du lancement de la programmation d'automne de C'est Fou que j'animerai d'ailleurs en émission spéciale de 18h à 21h le 2 octobre. Si vous écoutez en direct le vendredi soir, c'est dans quelques jours. Si vous écoutez la diffusion, c'est passé. Juste avant, c'était le numéro anglophone au Kickerville River avec Our Life Is Not a Movie or Maybe. En fait, c'est celle qu'on s'en va entendre. C'est remonté d'une place. C'est eux les nouveaux numéro 1. Hein? On met ça dans l'ordre. C'est ce qui s'en vient dans quelques secondes au Kickerville River. D'accord? Ça s'en vient juste là. Mais moi, par contre, d'ici là, ça me tente de vous dire un petit peu ce qu'on a joué avant. Oui. Faire un petit résumé des cinq premières positions. Du côté francophone, c'est Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser. En quatrième, c'est Johnny 5 avec Comment ça va, Mark Hamilton. En troisième, l'ancien numéro 1, Jacques Mare et Brise Glace. Et en deuxième, c'est Pépé avec Mais qu'est-ce que tu fais là? Du côté anglophone, c'est Interpol avec No Eye and Threesome. En quatrième, c'est Corpy Clanny avec Let's Drink. En troisième, Figurines avec Childhood Verse. En deuxième, New Pornographers avec My Rights versus Yours. Et on s'en va entendre au Kicker River avec Our Life is in a Movie or Maybe, qui est là depuis c'est 5 nouveau. Semaines. C'est tout nouveau. Mathéologisme. C'est ça, c'est un mathéologisme. C'est la fin des palmarès, c'est fou. C'est pour ça qu'on est comme un petit peu, comme toujours, un petit peu pressé dans le temps. Donc, je remercie Elisabeth Marino du journal Zone Campus. Merci beaucoup. Ben, ça reste toujours un plaisir. À la semaine prochaine. Ben, oui, certainement. Et moi, c'est Mathieu Plant. Bonjour, Mathieu Plant. Je suis en train de vous dire au revoir. Alors, au revoir. Bye. Bye. Auditeurs du vendredi soir, restez là parce que bidon la don, la question commence dans quelques minutes. Et après ça, c'est Kiwan avec la dernière porte à gauche. Puis c'est le Mephisto Show à 21h. Puis Electrochoc à 23h. Les auditeurs du mercredi, restez là pour la dernière porte à gauche. Et ceux du jeudi, restez là, c'est les betteraves hurlantes. Dans quelques minutes ou quelques demi-heures ou heures. Bad movie where there's no crying, handing the keys to me in this red line. Where the lock that you locked in the suite says there's no prying. When the breath that you breathed in the street screams there's no science. When you look how you looked then to me that I silence. This is a life story, so there's no climax, no more new territory, so pull away the IMAX. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no